su m'achever de toutes mes conquêtes. Trop de peine, ces amours qui traînent. C'est sans doute facile de t'avouer que si toi je te garde, tu ne risques pas de me tuer. C'est pas que je ne t'aime pas, ni même que tu ne me plais pas. Mais nos rires sont tranquilles. Pour une fois que j'ai envie de respecter quelqu'un, de le prendre pour un ami, ma première amour. C'est pas que je ne t'aime pas, ni même que tu ne me plais pas, non. Mais nos rires sont tranquilles. La vérité n'est pas banale, si tu savais combien de couples sont étrangers à la vérité. La vérité, l'horreur de savoir combien ils se haïssent. C'est pas que je ne t'aime plus, ni même que tu ne me plais.